président. Dans le hall j'ai vu Yankee voter blanc. On a ouais. Mon gars je sers. Du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de balifère. J'veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. J'laisse trace pour trans au WC. En LV totalement pété. J'rentre compte dans les poches. Quand petit frère pas à l'école, j'suis dans ma pull. Pull, pull. Oh shit, le shit, le shit. Pull, censure le pull, censure le pull, pull. Oh là là, dégage ton boule, boule. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, salt and pepper and heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? It's the Raw G, Brucey B, Kid Capri. Fuck Master Flex, love fuck stars. On sait c'est la guerre, guerre. Tu peux me retrouver à l'after. J'm'en bats les reins du game, game. J'suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. J'vais te faire planer même sans pilon, enfoiré. Pas la même planète, pas le même filon, enfoiré. Aucun mytho, il a que chez nous y'a aucun mytho. Aucun mytho, il a que chez nous y'a aucun mytho. Petit... Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. Rai Suprême. Minuit, 2h. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. On Skyrock. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. Skyrock. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. Skyrock. T'as reconnu l'équipe? T'as senti l'équipe? Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Rai Suprême sur Skyrock. Trop loin pour que tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, j'suis né dans la braque. La liberté mon frère c'est savoureux. Tu rentres chez les femmes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, et ta belle est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle Yas, Rolls Royce, Texas. Trop stable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte dans l'air, I get it, I get it. On compte dans l'air. Yo maté a Evo, son tenel de la vida. Y Madonna, y Madonna, ya. A la de a Evo, Madonna. Momo de a Evo, le. Amalanyan de a Evo, le. Iba Wari de a Evo, le. Salut, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. I'm a ladies, my baby, my honey. Jara be my lady, jara be my lady, jara be my lady. Diamo ya na vinga. Skyrock. Jara be my lady, jara be my lady, jara be my lady. Diamo ya na vinga vinga. Allô, bébé, comment tu vas? Rai Suprême, minuit, 2h. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Comment tu vas? Je viens aux nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes affaires sont dans la poubelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourrais-je j'ai tout donné. Une faute avouée, à moi tu pardonnais. Ah, j'ai tout donné. Aujourd'hui, mon royaume s'est écroulé. J'ai toujours espoir. S'il te plaît, ma chérie.

Boudin de Saint-Denis. Ton style illicite. Quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Ramène toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. J'ai pas le compte à Carter. Tu vas finir poncé. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses ta Zumba. Genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote Yarumba, pense que t'es une choroto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. J'te paye un jean Philippe plein. Mais ma chérie, faut le remplir. Si t'as le Quentin Philippin, pas un euro, j'vais sortir. Au pire, il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de Sopalin. Et j'suis à Punta Cana. Ok. On y va. Ma journée commence à minuit. Et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf. J'veux mon piaf, gonfler ma liasse, poser dans l'IAC, oh mamma mia. Et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf. J'veux ma piaf, gonfler ma liasse, poser dans l'IAC, oh mamma mia. Je le sais, tu me trouves belle âme, mamzelle, mamzelle. Mais qui de nous deux tient parole, mamzelle, mamzelle. Le pouvoir d'achat qui t'assomme. Que des billets de 500, souriant dansant, je te trouve attachant. T'as un Fiat 500, t'es oppressante, quand t'es de profil, on dirait Kardashian. Que des billets de 500, souriant dansant, je te trouve un peu chiant. Et moi j'ai piaf, et moi j'ai piaf, et moi j'ai piaf, et moi j'ai piaf. J'veux mon piaf, gonfler ma liasse, poser dans Riyad, oh mamma mia. Et moi j'ai piaf, et moi j'ai piaf, et moi j'ai piaf, et moi j'ai piaf. J'veux ma piaf, gonfler ma liasse, poser dans Riyad, oh mamma mia. Yeah.

Clandestine. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock. يا بابا ونجيك نزور يا بابا que tu te débats de ceux qui sont braqués sur moi. Je veux être l'objet d'un choix, mais faudra-t-y faire désormais. Le tien me semble si mauvais. Je ne serai jamais de ces amis qui brisent notre vie. Tu m'as donné ce que je n'avais envisagé, la force pour moi. Les pétards, accompagné, Follette si tu veux danser. Le physio qui est à la porte ne parle pas un mot français. 2m10, 5 landaux, un bon morceau. Mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux. Dans les poches, plein de bifton, de quoi m'amuser. Prendre la bouteille et t'aller sur un canapé. Reste enroulé autour du bras, tout le monde est sur la piste. Petit pas synchronisé qu'on a répété à 10.

وجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفرق صعيب والربطة صغبية ليالي يالي بويا واش كل بلاد ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفرق صعيب والربطة صغبية Mas eu tô sempre no Buda. Minha família só mete mão na cabeça, miúdo acorda. Se vocês querem me ver em casa, então me amarrem com corda. Essas horas não vou falar as neiras cheias. Que safoda. I'm looking for my Johnny.

حياتي خاطر تلومون الحفلة يديروها والليلة ربلوها راهي انا موت في خاطر تلومون ايا Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, on te souvient dans mon temps.